amis de l'eau, de l'eau de la guerre, de l'eau de là-haut, plus loin que la misère, plus fort que le tombeau, à celui qui naguère naquit du grand ruisseau. Il a mis de l'eau, il a touché la terre, puis a lancé l'assaut. Il a gagné des guerres, il a montré le creux depuis des millénaires. Depuis que coule l'eau, à la place du fer, il a mis de l'eau. De l'eau de la guerre, de l'eau de là-haut, plus loin que la misère, plus fort que le tombeau, à celui qui n'a guère, n'a qui du grand ruisseau. Et tout ça c'est sinistre, c'est pas le moment de faire la sieste. One time I'm fine, ready to face, one time to deep, to rise and to fake.